français? Où est le français? Où est le français? Où est le français? Où est le français? Ma binti walini changanya Nairobi mpaka Mombasa Nkayole mpaka Dandora Madare mpaka Huruma Kigetu mpaka Tribeca Kweli mimi abirire Nilikwanga mzirire Walini test abinjire Hivire nimerudire Kwa mwenye zire Anisamehe Yule Daudi we alitenda nga madhambi lakini Mungu re alimupenda re tunajua huyu Daudi re alikwanga re after God hati re leo leo narudi kwa papa leo narudi kwa papa mkikweli mimi abirire nilikwanga mzirire walinitesa mabinjire Watarudi